côté de la lumière, parlons de moula mais parlons en pluriel. La fauche sort d'un vin dans ta ruelle. Le point commun entre l'amour et la haine, c'est ma façon de ken. Ma façon de briller, j'suis toujours outillé. Ok, ok. Bébé, le canon est bien bien scié. C'est le hachet d'âme pour un peu de sauce dans la putain de vie. J'suis dans le cul sec, tout est noir comme la carrosserie. Petit à petit, coller la petite. Des yébis en yébis, Louis, Fendi, tout elle te suit. Ta dernière vision sera un désert si elle qui pousse. J'préfère les chiffres que les lettres. T'as de l'ADN de pute sur les lèvres. Eh, ta dernière vision sera un désert si elle qui pousse. J'préfère les chiffres que les lettres. T'as de l'ADN de pute sur les lèvres. Mentalité, zo, depuis le berceau. J'suis dans la haine, zo, mais j'ai moins d'amis. J'connais le ghetto, les dealers et escrocs. Tout dans la queue, drogue, la meilleure cocaïne. Envoie les bouteilles, j'suis dans mon mood, gay. Big, c'est le jour, gay. Ça, c'est la routine. Envoie les bouteilles, j'suis dans mon mood, gay. Big, c'est le jour, gay. Ça, c'est la routine. Ice, ice, moula, j'fais le dieuze. Trop de preuves dans le bigot, je touche, voilà. Le H&M, dans le jeans, baby love, MC Sola. Alléluia, alléluia, j'ai la santé, la jeunesse, tout va. Violet, vert, euro, dollar. Moi, les pignarées remplies de dagues. Le sablier n'a plus trop de sable. Pas le perdu à trouver son chemin. Dans le crâne d'un gosse du village. Sans pression, ficaille, mico de gaz, mico de taser. Beaucoup de rage, le monde en otage, la flèche et l'hommage. Nique ta mère écrit dans l'horoscope. J'suis pas dans le top, c'est moi le top. Des chats incendiés dans le caméscope. Quelques salopes, des verres condés, je fuck. Ils parlèrent beaucoup, j'suis sorti le bloc. Bang bang, ils dansent un carioca. Des livres faciès, aucun emploi. J'n'ai pas de frère que des avocats. Mentalité, zo, depuis le berceau. J'suis dans la haine, zo, mais j'ai moins d'amis. J'connais le ghetto, les dealers et escrocs. Tout dans la queue, dro, la meilleure cocaïne. Envoie les bouteilles, j'suis dans mon mood, gay. Play, c'est le jour, gay. Ça, c'est la routine. Envoie les bouteilles, j'suis dans mon mood, gay. Play, c'est le jour, gay. Ça, c'est la routine. Le moulard a craché, la capote a craqué. Sa chevaux est remplie, la petite est gâtée. Les négros sont fâchés, innocents à traquer. J'te sers un zodi au hasard, j'suis comme Mbappé.